Chapitre 17e. Marcel s'était présenté deux fois chez Rose sans la trouver, et le musée du Louvre ayant été chaque fois son refuge, il commençait à se lasser d'examiner les objets précieux contenus dans la galerie d'Apollon, lorsqu'à sa troisième visite, il eut la satisfaction d'apprendre que Madame était rentrée. Il monta l'escalier 4 à 4, dédaigneux de l'ascenseur, se perdit dans les couloirs de l'hôtel, fit environ 1 kilomètre de détours superflus, toisé par les yeux inquisiteurs des filles de service, groupées dans les coins où elles causaient à voix basse, et après une jolie série de marches, de contre-marches et de méprises, qui l'envoyèrent dans des escaliers inconnus aux vulgaires, il finit par se trouver devant une porte, en tout semblable aux autres, et dont la vue lui fit pourtant battre le cœur. Il frappa d'une main mal assurée, car il se sentait horriblement en bonne fortune, et songeait plein de remords à Madame Brun. Qu'eût-il dit s'il avait connaissance des verres oubliés dans la poche de sa redingote? Florence vint ouvrir, toute semblable à elle-même, un peu plus roide, car le séjour dans un grand hôtel oblige à plus de tenue que le logis en chambre garnie. En apercevant Marcel, elle fit un soubresaut. « Moi-même ? » dit le visiteur avec un sourire embarrassé. « Peut-on voir, madame ?»« C'est vous, Brun ?» fit Rose en plaçant sa jolie tête par l'embrasure d'une porte intérieure. « Quel bon vent vous amène ?» Elle rentra, vive et pimpante, un soupçon de rouge aux lèvres, de la poudre de riz partout, les cheveux coupés sur le front et frisés en caniche. C'était bien Rose Rosier, mais ce n'était plus la convalescente de Chartres. « Mon bon Marcel, » fit Rose en tendant les deux mains à son amie, « que je suis contente de vous voir. Comment va-t-on là-bas ? » « On va assez bien, » répondit-il en baisant tour à tour les deux mains offertes. Florence disparut en refermant la porte et il s'assit en face de Rose qui s'était installée dans un fauteuil bas et rangeait du plat de la main sa jupe soyeuse somptueusement tournée. Ils se regardèrent en souriant, mais Brun resta bientôt interdit devant ce sourire calme qui dénotait une tranquillité dont il était bien loin. « Que font nos amis ? » reprit Rose d'un air léger. Brun profita immédiatement de cette question pour patauger de son mieux. « Langlois va bien, il engraisse. Sa femme est plus jolie que jamais. Leur bébé vient admirablement. « Et Monsieur André ? » dit la comédienne en réprimant un mouvement d'impatience. « André, c'est lui qui va le moins bien, » fit Marcel en baissant les yeux d'un air malin. Mais il perdit sa peine et ses sous-entendus, car Rose était décidée à n'entendre que ce qui lui conviendrait. « Vous voyez, » dit-elle, « je suis ici en cambolant. C'est moins gentil qu'à Chartres, mais on ne peut pas toujours rester à Chartres, n'est-il pas vrai ? J'y reste bien. » murmura Brun. « Oh, ce n'est pas la même chose, » reprit-elle en riant. « Il faut que je rentre dans la vie, que je recommence à travailler. Je n'ai pas de rente, moi, monsieur Brun. J'ai mis de côté quelque argent, j'ai presque tout dépensé pendant ma maladie, il est grand temps que je reparaisse sur la scène. « Vous allez jouer ?» demanda Marcel, ébloui malgré lui à l'idée de revoir son idole au sein d'une nouvelle splendeur. « Oui ? À quel théâtre ? Je ne me suis pas encore décidé. J'ai des offres de plusieurs côtés. Ce matin, un journal a annoncé ma résurrection en termes flatteurs. » Elle indiquait un journal déplié sur une console. « Dans tous les cas, » reprit-elle, « on me fait de belles conditions. La vedette, bien entendu, est à peu près tout ce que je demande. J'ai toujours rêvé de jouer à Paris. C'est une marotte. Je vais enfin pouvoir satisfaire ma fantaisie. Mes compliments, » murmura Brun. Il se sentait tout penaud et ne savait que dire. « Vous ne vous figurez pas, » continua Rose, « quel accueil on m'a fait partout. On m'a reçue comme une princesse. Les petites camarades n'étaient pas trop contentes, naturellement, mais j'étais gentille, et au fond, tout va très bien. » On frappa. Florence ouvrit, et un monsieur fort bien pris dans son élégant costume d'après-midi entra d'un air aisé. « Ah, c'est vous ? Bonjour, mon cher, » fit Rose en lui donnant la main à l'anglaise, de sorte qu'ils se secouèrent vigoureusement le bras. « Eh bien, quelle nouvelle ?»« Un grand article demain au X, » dit le nouveau venu en s'asseyant. « Si vous n'êtes pas contente, c'est que vous serez difficile. » « On tâchera d'être contente, » fit Rose avec un sourire d'orgueil. « Monsieur Brun, un ami du temps de mes épreuves, Monsieur Max du journal X. » Les deux hommes se saluèrent, et dès le premier coup d'œil, Brun se sentit fixé dans le casier province, comme un papillon qu'on plante sur un bouchon le corps percé d'une épingle. « Le petit chose vous a fait des vers, » dit le journaliste. « Ils paraîtront demain soir dans le programme. On attend que la nouvelle certaine de votre engagement. »« Des vers, » fit Rose en souriant. « C'est une idée. J'aime assez les vers. C'est comme les bonbons, ça ne nourrit pas, mais cela amuse. » Brun mit la main dans sa poche et chercha la fameuse enveloppe. Elle n'y était pas. Il pâlit affreusement, en se rappelant qu'il avait changé de vêtements avant de partir. « Pourvu, pensa-t-il effaré, que ma femme n'ait pas eu la pensée de brosser mes habits. Hélas, cette éventualité était bien peu vraisemblable. Mais allez arrêter une pierre qui tombe du ciel. Si Madame Brun devait tout savoir, son époux était désormais dans l'impossibilité de s'y opposer. » Pendant qu'il retournait dans sa tête la probabilité d'une découverte aussi fâcheuse, Rose jabotait avec le journaliste. Il parlait de 100 choses inconnues, dans un langage que Brun ne comprenait plus. Il connaissait sa langue, cependant, et s'était nourri des meilleurs auteurs. Mais les bons auteurs, que tout le monde comprend, ne sont pas ceux dont la langue se parle le plus entre la Madeleine et le château d'eau. Aussi Marcel écoutait-il rêveur, en se demandant comment, de Chartres à l'hôtel du Louvre, la langue française peut subir des modifications si imprévues, si bizarres et si peu durables. Dans sa jeunesse, on négligeait aussi les bons auteurs, mais maintenant, ce n'était plus du tout de la même façon. Au bout de 10 minutes, Brun était tellement oublié que Rose se querellait bel et bien avec le journaliste. À quel propos, notre ami n'eût pu le dire. Tout était du chinois pour lui. Mais il se disait les choses piquantes d'un ton aigre-doux, et à l'expression de leur visage, il était facile de voir que ce n'est pas ce qu'il se disait qui était le plus désagréable. Sous ce langage railleur devaient se cacher des sous-entendus mordants. Tout à coup, Rose éclata de rire. « Au fond, dit-elle, je m'en moque. Je suis libre comme l'air. Je ne dois rien à personne. Je fais ce qu'il me plaît, et je vois qui je veux. Voyons, Marcel, parlez-moi un peu d'André. » « Au revoir, dit Max en se levant. On vous verra ce soir au foyer du gymnase. Ou de la porte Saint-Martin. Je ne suis pas encore fixé, fit-elle. Tâchez de vous décider, reprit-il d'un ton pincé. Il faut pourtant que nous sachions ce qu'il faut imprimer. Ce n'est pas si nécessaire que ça, dit Rose en riant de plus belle. Mettez ce que vous voudrez, à pile ou face, cela me décidera peut-être. Monsieur Max salua Marcel d'un geste fort sec et s'en alla, la tête droite comme un homme au-dessus de tous les caprices. Rose le suivit des yeux, songeuse, puis, avec un geste mêlé de gaminerie et d'indifférence, elle se retourna vers Marcel. « Parlez-moi d'André. Que fait-il depuis que je suis parti ? Il doit être bien embarrassé de ses soirées. C'est, je crois, ce qui l'embarrasse le moins. Comment cela ? Il a trouvé un emploi fort agréable de son temps, continua Marcel avec malice. Depuis la naissance du jeune monsieur Langlois, Madame Claire a près d'elle sa sœur Marguerite, une fort jolie personne, d'environ 17 ans. Ces dames brodent, cousent, lisent. Parfois on fait un peu de musique. C'est devenu une maison tout à fait charmante. André va là ? Demanda Rose en rapprochant ses fins sourcils noirs bien arqués. Tous les soirs. La comédienne resta silencieuse. Que dit Langlois ? Demanda-t-elle enfin. Rien du tout. Que voulez-vous qu'il dise ? André n'est-il pas son ami ? Et il ne serait pas fâché d'être son beau-frère ? C'est ce que vous prétendez ? « Je n'en sais absolument rien, » dit l'honnête Marcel, se repentant déjà d'avoir poussé si loin la taquinerie. « J'ai tort de plaisanter, mademoiselle Rose. Mettons que je n'ai rien dit, je vous en prie. » Elle fit un geste qui signifiait que pour elle la chose n'avait pas d'importance. « Juste vous a parlé de moi ? » demanda-t-elle. « Oui, certainement. »« Souvent ? » ?»« Assez souvent. » »« Vous savez qu'il est amoureux de moi ?» continua Rose sans desserrer ses fins sourcils. « Je m'en doute. » Il ne vous l'a jamais dit ? En propre terme, non, mais c'est facile à voir. Rose frappait sa robe à petits coups égaux, et l'étoffe de soie criait à chaque mouvement. Brun se taisait. Elle est jolie, mademoiselle Marguerite, je crois, reprit la jeune femme. Oui, elle est très jolie. Elle ressemble à sa sœur. Un petit air virginal, une vraie perle. Une autre, madame Langlois, en un mot ? Absolument. C'est fort bien. Vous avez de belles personnes à Chartres. Marcel fit un signe affirmatif. Il se sentait pris au trébuchet sans savoir comment ni à quel propos. Rose avait l'air méchant. Jamais il ne l'avait vu ainsi. S'il l'avait connue telle qu'il la voyait, il ne l'aurait pas tant adorée. Il eut tout à coup grande envie de s'en aller, de retourner à Chartres, dans son petit intérieur, auprès de Madame Brun, qu'il trouverait peut-être fort en colère, mais dont les fureurs, tout en dehors, lui semblait moins redoutable que le silence et le sourire cruel de cette jolie femme qu'il avait imprudemment transformée en idole. « Elle est blonde ?» demanda Rose, sans cesser de sourire. « Comme sa sœur ?»« Oui. » On frappa de nouveau. Florence ouvrit la porte extérieure et parlementa avec quelqu'un. Rose attendait, la tête levée. Enfin Florence apporta une carte avec quelques mots au crayon. La comédienne la prit, la lut et la froissa avec colère. « Je ne veux pas !» dit-elle très haut, de façon à être entendue dans l'antichambre. « Vous direz à ce monsieur que je suis libre, libre, entendez-vous ? Je ne dépends de personne, et je ferai ce qui me plaît. » Florence sortit, la porte se referma, et la bonne rentra l'instant d'après avec une seconde carte, sur laquelle étaient écrits ces mots. « Alors vous ferez bien de ne pas rentrer au théâtre. »« Voilà comme ils sont tous, » murmura-t-elle en tordant le mince vélin. « Il a peut-être raison, mais... » Marcel se leva. « Vous partez ?» lui dit-elle avec une sorte de regret. « C'est singulier. C'était bon de vous voir là. Cela me rappelait le temps où j'étais maîtresse de ma personne, de mes heures, de tout enfin. J'étais indépendante. On ne devrait jamais quitter le harnais. Quand il faut le reprendre ensuite, c'est trop dur. » Une ombre de mélancolie passa sur son visage, dont les traits se détendirent. « Que dirais-je à juste André ?» demanda Marcel. Elle restait hésitante. Florence reparut, une lettre à la main. Rose la lut d'une seule haleine. « Des injures à présent. La lettre anonyme qui insulte et qui menace. Et personne pour me défendre. Il faut que je livre mes batailles moi-même. »« Que dirais-je à juste André ?» répéta Marcel doucement, presque humblement, car il se sentait en présence d'une peine réelle. « Dites-lui que je lui souhaite tout le bonheur possible, » répondit-elle d'une voix voilée par l'émotion. « Et à Langlois ?» Les lèvres de Rose se contractèrent. Comme un éclair, elle vit passer dans son esprit la vision de Langlois conduisant à l'hôtel sa sœur, qu'il donnait à juste André. L'idée d'une vie de paix, de joie familiale entre ces trois êtres, joie dont elle serait exclue, elle, condamnée à vivre en paria dans un monde éblouissant de loin, de près, plein de contraintes et d'humiliation. Tout cela lui porta à la tête. Elle voulut à son tour être honorée, marcher à l'hôtel, relever la tête et prendre dans la vie ce rang d'épouse fort supérieur à tous les autres. « Langlois, vous lui souhaiterez le bonjour, » dit-elle. « Pour André, tenez, descendez au bureau du télégraphe et expédiez ceci. » Sans s'asseoir, elle se pencha sur la table. Avec un petit crayon d'or qui pendait à la chaîne de sa montre, elle écrivit sur un morceau de papier « Venez. » Elle signa son vrai nom, Madeleine Sorel, et remit le papier à Marcel, stupéfait, qu'elle poussa doucement vers la porte. Il fit ce qui lui était ordonné et quand la dépêche eut disparu dans le guichet, il resta étourdi, se demandant ce qu'il allait devenir. Il allait dîner d'abord, car il avait faim. Il dîna donc sans grand plaisir, puis sortit de l'hôtel, indécis et mécontent. Il tira sa montre. Un fiacre passait au pas dans la rue de Rivoli. Le cocher l'appelait du geste. Il avait juste le temps d'arriver pour l'heure du train. « À la gare Montparnasse, » dit-il. Soudain soulagé par cette grande résolution. Pourvu seulement que je ne manque pas le train. Le dieu des maris repentants le protégeait sans doute, car le cheval était jeune et le cocher prudent. Non seulement il ne manqua pas le train, mais il attendit 10 minutes, pendant lesquelles toutes ses inquiétudes eurent le temps de se ranimer.